6 mois plus tard, Eugène Milbert arrivait à Lyon en diligence et ne trouva de place pour Genève que pour le lendemain. Il fut 20 fois sur le point de partir à pied, mais il pensa que cela ne le ferait pas arriver plus tôt. Il entra dans un café pour y passer la soirée. Il se mit dans un coin, se fit servir un pot de bière et alluma un cigare, étranger à ce qui se passait autour de lui, entièrement livré à ses souvenirs, à ses craintes, à ses espérances. Deux hommes jouaient au billard. Milbert les regarda un moment, surtout pour comprendre le sens d'un langage bizarre qui frappait ses oreilles pour la première fois. « Parbleu, » disait l'un après avoir poussé la bille de son adversaire juste sur la bande du billard. « Mangez un peu de drap, ma belle. » L'autre frotta l'extrémité de sa queue de billard au plafond pour l'enduire de plâtre et l'empêcher de glisser et dit « Un peu de plafond, s'il vous plaît. »« Ah, à votre tour, à manger du mérinos, Célestine, » ajouta-t-il en voyant que la bille de son joueur était à son tour sous la bande. Le premier rejoua et dirigea la bille de son adversaire vers une des blouses. Mais comme elle ne paraissait pas devoir y arriver, il lui parlait en balayant de la main le chemin qu'elle avait à faire. « Allons, vigoureuse, allons !»« Vous avez beau faire, » disait l'autre, « vous avez joué de taf. » Plus tard, une discussion s'éleva entre eux sur un coup contesté, et ils convinrent de s'en rapporter à la galerie. La galerie était Milbert, qui depuis longtemps ne faisait plus la moindre attention à leur jeu. « Monsieur, » dit un des joueurs, « voulez-vous nous dire votre opinion sur le coup ?»« Monsieur, je n'ai pas vu le coup. »« Monsieur, c'est impossible. »« Je vous dis, monsieur, que je n'ai pas vu le coup. » Milbert se leva, paya sa dépense au café, et alla continuer dehors fumer son cigare et se livrer à ses rêveries. Son cigare éteint, il voulut en allumer un autre. Il aperçut dans l'ombre comme une petite étoile rouge, à peu près à 5 pieds du sol. Il pensa que c'était le bout allumé du cigare d'un autre fumeur qu'il ne voyait pas à cause de la nuit. Il se dirigea vers cet astre comme les rois mages suivirent l'étoile qui les mena à Bethléem. Il ne tarda pas à le rejoindre et dit à la personne qu'il supposait être derrière « Voulez-vous me donner du feu ?» L'étoile rouge descendit tout à coup jusqu'à 2 pieds et demi du sol, et une voix partant de la hauteur où était précisément l'étoile dit d'un ton rauque « Ah, parbleu, vous voilà, je vous cherchais !» Milbert comprit que son interlocuteur avait ôté son cigare de sa bouche et le tenait à la main. « C'est possible, » répondit-il, « mais comment me reconnaissez-vous »« C'est vous qui faisiez la galerie au billard tout à l'heure. » « C'est moi qui ai quitté le café précisément pour éviter ce rôle. »« Je vous cherchais pour vous dire que vous êtes un malappris. »« Et moi, je vous évitais pour ne plus vous voir et ne plus vous entendre. »« Oh, vous êtes un insolent !» Et l'étoile rouge tomba à terre et s'éteignit, la main qui la portait ayant autre chose à faire. Elle s'étendit en avant pour donner un soufflet à Milbert, dont elle atteignit seulement le chapeau. Celui-ci se rua sur son agresseur, on sortit du café avec des flambeaux, on les sépara. Il fut convenu qu'on tirerait l'épée le lendemain. Le lendemain, Milbert fut blessé et de son lit écrivit à Félix Duport. « Mon cher Félix, me voici de retour à Lyon, aussi peu avancé qu'il y a 6 mois quand j'ai quitté Genève, si ce n'est qu'un drôle m'a donné un coup d'épée ce matin et m'a déchiré hier au soir mon habit gris, ce qui, à l'avenir, dissipera mes incertitudes et fixera inévitablement mon choix sur mon habit bleu. » « Rien ne m'a réussi. J'ai quitté Paris et j'ai même cessé de donner de mes nouvelles à M. Saunders. Avant de prendre une résolution, il faut que je sache bien vite ce qui s'est passé pendant mon absence. Envoie-moi courrier par courrier les lettres qui sont venues à mon adresse. Tout à toi. » Félix Duport à Eugène Milbert. « J'espère que ta blessure n'est pas dangereuse. Sans cela, je quitterai tout pour aller auprès de toi. » Tu aurais peut-être dû me renseigner à ce sujet. Voici 2 lettres qui sont arrivées aussitôt après ton départ. La première par un express, la seconde 2 jours après par la poste. Ton oncle a envoyé plus de 20 fois demander de tes nouvelles. M. Saunders a d'abord répondu que tu étais en France, sans qu'il pût dire dans quelle ville, tes instructions te devant en faire visiter plusieurs, puis ensuite qu'il ne savait plus où tu étais. Ton oncle a fort recommandé à M. Saunders de lui communiquer les premières nouvelles qu'il aurait de toi. À moi, il est venu en personne prier de lui confier ces lettres qui étaient venues pour toi. Comme j'ai prévu qu'il insisterait si je me bornais à un refus, j'ai répondu que je n'avais reçu aucune lettre. « Je suis sûr, » a-t-il répliqué, « qu'il en a été envoyé. Et moi, ai-je dit, je suis sûr qu'il n'en est pas parvenu. » Il s'est retiré en répétant plusieurs fois. « C'est étonnant, c'est bien étonnant. » À cette lettre de Félix Duport étaient jointes les deux lettres de Fanny. Milbert, après les avoir lues, se leva brusquement de son lit, voulut s'habiller pour partir et retomba sans connaissance. Revenu à lui, il écrivit à Duport. « Je t'envoie les deux lettres que renfermait la tienne. Lis-les et juge de mon désespoir. J'ai voulu partir, cela est impossible. En sortant du lit, je suis retombé sans mouvement. Au nom du ciel, cours à Montreux, va t'assurer de cet horrible malheur que tout me démontre, n'être que trop certain, et écris-moi vite, ne me cache rien. Cours, ne perds pas une seconde, je t'en prie, à genoux. » La lettre partie, Milbert fut saisi d'une fièvre violente et d'un délire qui mirent sa vie en danger pendant plusieurs jours. Il parlait de Fanny, demandait s'il était venu des lettres pour lui, parlait de son mariage, appelait Félix. Enfin, quand il fut plus calme, on lui remit une lettre, arrivée déjà depuis 2 jours. Elle était de Félix Duport. Félix Duport à Eugène Milbert. Calme-toi, console-toi, la tragédie n'a pas eu de 5e acte, il n'y a personne de mort. J'arrive de Montreux, où j'ai eu les renseignements que voici. Je descendis à l'auberge, la seule, je crois, du pays. Je demandai à dîner, et je fis causer l'hôte sur divers sujets. Puis je lui demandai s'il pouvait me dire la vérité sur certaines choses que l'on m'avait racontées de la famille Gautreau. Là-dessus, monsieur, me dit-il, on a fait bien des récits sur eux il y a 5 ou 6 mois, et je pourrais me tromper si j'essayais de vous les compter aujourd'hui. Mais enfin, dis-je, n'est-il pas arrivé un malheur à leur fille? Ah, mademoiselle Fanny, il lui arrivait plusieurs malheurs, à ce qu'on disait, car je ne vous garantis rien. Le dernier est d'être tombée dans le lac d'où elle était retirée, plus qu'à moitié morte, par un voyageur. Quelques personnes disaient qu'elle s'y était jetée volontairement. Mais que ne dit-on pas? Du reste, si monsieur est curieux d'en savoir davantage, il n'a qu'à demander à Genève mademoiselle Elisabeth, domestique chez monsieur Philippot, qui était à cette époque au service de la famille Gautreau. Je t'envoie bien vite ceci. Je te dirai dans une seconde lettre ce que je saurai par mademoiselle Elisabeth. Félix Duport à Eugène Milbert. J'ai trouvé mademoiselle Elisabeth et voici son histoire. Monsieur, m'a-t-elle dit, je m'étais bien aperçu que monsieur Milbert, le neveu, venait la nuit voir mademoiselle et montait par la fenêtre. La pauvre fille, malgré cela, était l'innocence même, car elle fut bien étonnée, je vous assure, quand je lui appris qu'elle était grosse. Elle écrivit alors à monsieur Eugène, mais il était parti. Je n'ai su cela qu'après, car à moi elle me dit que tout allait bien, que tout allait s'arranger, qu'on allait les marier, etc. Elle avait l'air aussi tranquille et aussi calme que jamais. Seulement elle était très pâle, mais la pauvre petite n'avait plus guère de couleur depuis quelque temps. Le soir, après dîner, elle alla à l'église, puis la nuit vint et je ne la vis pas rentrer. Mais je n'étais pas inquiète, je me disais, c'est que les prières sont longues aujourd'hui. Madame Gautreau se coucha et me dit, « Elisabeth, vous irez chercher Fanny à l'église. » Je pris une lanterne et me dirigeai vers l'église. Elle était fermée et je me disais, « Il faut que mademoiselle soit passée à côté de moi. » Lorsqu'un homme me frappa sur l'épaule en m'appelant par mon nom, « Elisabeth, est-ce vous ?»« Oui, monsieur Éloi, lui dis-je, car j'avais reconnu monsieur Éloi Milbert, l'oncle. »« C'est bien, dit-il, attendez-moi là, et ne faites aucun bruit. Votre jeune maîtresse est malade, et je la ramène avec un homme que j'ai rencontré. Il faut que nous rentrions chez vous sans qu'on nous voie. » « Oh mon Dieu, monsieur Éloi, tout le monde dort, rien n'est plus facile. »« C'est bien. » Il retourna sur le chemin, puis il revint avec un homme qui soutenait ou plutôt portait mademoiselle Fanny. Elle était enveloppée dans un grand manteau à monsieur Milbert. « Tenez, mon ami, dit-il à cet homme, voici pour vous. Allez chercher mon cheval et amenez-le à l'auberge. Surtout ne parlez à personne de ce que vous avez vu. » À nous deux, nous ramenâmes mademoiselle Fanny. Elle tremblait de tous ses membres. « Il faut, me dit M. Milbert, lui bassiner vite un lit et la coucher. » Je lui obéis, et c'est seulement en ôtant le manteau pour la déshabiller que je vis qu'elle sortait de l'eau. « Elle sera sans doute tombée dans le lac en se promenant, me dit M. Milbert, la nuit est si noire. » Et en me disant cela, il me mit 3 louis dans la main. Je compris que ce qu'il me disait là n'était peut-être pas ce qu'il croyait, mais ce qu'il fallait que je crusse. Je répondis, « Oh oui, si noire. » Quand elle fut couchée, elle reprit peu à peu ses sens, puis elle dit quelques mots sans suite. Monsieur Loy me dit de la laisser seule avec elle. Je le fis sans difficulté, après avoir allumé un grand feu, car M. Milbert était lui-même fort mouillé. Ils causèrent presque toute la nuit. Je voulus d'abord écouter, par intérêt pour Mademoiselle Fanny, mais je ne pus rien entendre, si ce n'est qu'elle pleurait beaucoup. Avant le jour, M. Milbert s'en alla en lui disant « Allons, calmez-vous, je me charge de tout. » Elle prit une de ses mains et la baisa. À moi, il me dit « Vous ne m'avez pas vu. » Le lendemain, M. Milbert arriva, comme de Lausanne. M. Gautreau était sorti dès le matin, selon sa coutume. Quand il rentra, il dit « J'arrive tard. » C'est qu'on me racontait une singulière histoire. On parlait d'une jeune fille qu'on a repêchée hier au soir dans le lac. Il y a réellement des parents qui ne voient rien. M. Milbert fit signe à M. Gautreau de me faire sortir, et comme je restais un peu en dehors de la porte, j'entendis M. Éloi qui disait à M. Gautreau « Et savez-vous qui est cette fille ?»« Non, » répondit M. Gautreau. « Eh bien, c'est la vôtre, » dit M. Milbert. Madame Gautreau jeta un cri. M. Gautreau se leva et retomba assis, et comme je pensais que quelqu'un allait peut-être sortir, je m'éloignai de la porte. « Voilà tout ce que j'ai su par moi-même, monsieur, » me dit alors Mademoiselle Élisabeth, « parce que deux jours après, on a congédié toute la maison. Et monsieur, madame et Mademoiselle Gautreau ont traversé le lac et sont partis pour l'Italie avec monsieur Éloi Milbert. « Mais, lui dis-je, qu'est devenu Mademoiselle Gautreau ? On m'a dit qu'ils étaient revenus depuis une quinzaine de jours, qu'ils demeurent tous chez monsieur Éloi Milbert et qu'il appelle Mademoiselle Fanny Madame Milbert. Il est arrivé ce que j'avais bien prévu. La petite personne s'est décidée à épouser l'oncle, et celui-ci, aveugle comme les vieillards quand ils s'avisent d'être amoureux, a accepté un héritier tout fait. Quelques personnes ont dit que mademoiselle lui avait tout avoué et qu'il l'avait épousé la même chose. Cela me paraît un peu fort. Voilà donc, mon cher Eugène, ton roman finit par un dénouement qui ne répond pas à la poésie du commencement ni à la tristesse du milieu. Ne t'afflige pas trop de l'infidélité de ta maîtresse. La pauvre fille ne pouvait guère faire autrement. Et d'ailleurs, s'il avait passé sa vie à t'attendre, triste, honteuse, solitaire, il est plus que probable que tu aurais trouvé en France ou ailleurs quelque bonne occasion, et que tu l'aurais abandonné pour épouser une autre femme. Il est bien rare que ces romans-là finissent comme dans les livres. Le commencement seul ne coûte rien, et on s'y embarque volontiers. Que vas-tu faire maintenant ? J'espère que ta blessure n'est rien. Viens jusqu'ici et nous causerons. » Il est assez maladroit d'avoir fait à une fille qui devient ta tante un enfant qui se trouve être ton cousin et te déshérite. Je ne pense pas que pour cela ton oncle veuille t'abandonner. Peut-être, au contraire, saisira-t-il une occasion de réparer l'espèce d'injustice qu'il croit te faire. À toi, Félix. » À peine cette lettre était-elle partie que M. Éloi Milbert arriva chez Félix Duport. « Monsieur, lui dit-il dès la porte. « Est-il vrai que mon neveu soit ici ?»« Non, monsieur, » dit Félix Duport. « Il est à Lyon avec un coup d'épée, et je viens de lui écrire. »« Monsieur, il faut que nous allions à Lyon tout de suite. »« Je le veux bien, monsieur. »« Voulez-vous faire demander une voiture et des chevaux ?»« Tout de suite. »« Oh, mon Dieu, et des passeports ?»« Vous n'en avez pas ?»« Non, ni moi non plus. »« Il faut en demander, mais nous ne les aurons que demain, et alors nous pourrons prendre tout simplement la diligence. » « Je vais aller retenir les places. Je vais aller avec vous pour demander les passeports. » Le lendemain au soir, ils partirent de Genève. Le surlendemain, de bonne heure, ils étaient à l'hôtel de Gênes. M. Milbert parti. « Comment parti ? » ?»« Parti d'hier au soir. Où est-il allé ? » ?»« En Amérique. » »« En Amérique ? » ?»« C'est tout ce qu'il nous a dit. » »« Il n'a rien laissé. » »« Une lettre pour un M. Félix Duport que l'on doit avoir mise à la poste. » « Hé, Joseph, avez-vous mis à la poste cette lettre pour Genève ?»« Non, pas encore. »« Monsieur, cette lettre est pour moi. En voici la preuve sur mon passeport. »« Eh bien, monsieur, voulez-vous vous charger également d'un vieil habit que ce monsieur avait donné à raccommoder et qu'il n'a pas attendu ?»« Volontiers. »« Il a dû 3 francs à l'ouvrier qui l'a raccommodé. Les voici. » Quand l'oncle Éloi et Félix furent dans la rue, ils ouvrirent la lettre. « Mon cher Félix, je pars désespéré. » Je ne sais si je n'étais pas moins triste quand je l'ai crue morte. Le but de ma vie est manqué. Je n'aurai pas recours à mon oncle, que je hais maintenant, Un négociant veut m'emmener en Amérique pour tenir les écritures à bord de son navire et dans sa maison. Je pars dans quelques heures, quoique je ne sois qu'à peu près guéri. Peut-être ne reverrai-je jamais la Suisse. Je n'oublierai pas toutes les preuves d'amitié que j'ai reçues de toi. Ton ami Eugène. » L'oncle Éloi paraissait atterré et répétait sans cesse « En Amérique ?»« J'aime autant cela, » se disait Félix. « Il reviendra calme et guéri de son amour. »« Ah, monsieur !» dit l'oncle. Mais on vint les avertir que la diligence repartait pour Genève, et comme ils n'avaient rien de plus à faire à Lyon, ils remontèrent en voiture. Il se passa une année, pendant laquelle les choses suivirent leur cours ordinaire. Félix Duport avait succédé à son père dans sa maison de commerce et faisait d'assez bonnes affaires. L'oncle Éloi lui écrivait de temps en temps « Avez-vous des nouvelles de mon neveu ?» À quoi l'autre répondait « Pas encore. » Un matin, un homme demanda à parler à M. Félix Duport et refusa de dire son nom pour qu'on l'annonçât. « Dites-lui seulement que c'est quelqu'un qui espère n'avoir pas besoin d'être annoncé. »« Ce ne peut être que Eugène, » dit Félix Duport. Et il vint le chercher dans l'antichambre. Il n'y avait pas besoin de demander à Milbert l'état de ses affaires. Il avait la figure amaigrie et hâve. Son habit bleu, toujours le même, était dans un état tout à fait déplorable. Après qu'ils se furent embrassés, il dit « Fais-moi donner à déjeuner, j'ai faim. J'arrive de Lyon, à pied. » « Il paraît, » dit-il en mangeant, « que tu as eu de meilleures chances que moi. Je n'ai rien fait de bon dans l'autre monde, pas plus que dans celui-ci. La maison pour laquelle je voyageais a fait faillite. Il m'a fallu attendre misérablement une occasion pour revenir en Europe, et me voilà. Toi, donne-moi des nouvelles. » « Ton oncle, » dit Félix Duport, « s'occupe beaucoup de toi. Il te tirera d'affaires, et nous irons dès demain à Lausanne. » fit Milbert. « Il n'y a pas de « Lui et moi, nous nous chargeons de toi. Tu n'arrives plus là-bas en enfant prodigue. Ton oncle se croit des torts envers toi. » « Et ?»« Je sais ce que tu veux dire. Nous en parlerons plus tard. » « Pourquoi ?»« Parce que... » Un domestique de Duport entra et dit « Monsieur, il n'y aura pas de place pour demain, mais si vous voulez partir ce matin, pourquoi pas ?» Et il ajouta bas à son domestique « Et ma lettre ?»« Parti. » répondit le domestique. « C'est bien. » « Mais Félix, je suis en triste équipage pour rentrer chez mon oncle. Nous trouvons ce qu'il te faut dans ma garde-robe. » En effet, on trouva des bottes, du linge, un pantalon, un chapeau. Mais Félix, dans sa vie calme et uniforme, avait pris un remarquable embonpoint, et ses habits étaient du double trop large pour Milbert. On frotta, on brossa, on mouilla l'habit bleu, on passa de l'encre sur les coutures. Il n'était pas présentable, même après ces opérations. « Par ma foi, » dit Eugène en riant, « quand je suis parti pour l'Amérique, terre de l'or et des oncles millionnaires, je ne pensais pas que je regretterais mon habit gris que j'ai laissé à l'auberge. »« Ton habit gris, mais il est ici. » »« On me l'a donné à Lyon, quand nous sommes allés t'y chercher avec ton oncle. »« Ah, je serais enchanté de le revoir. » L'habit gris fut cherché et retrouvé, et allait assez bien. L'état de détérioration de l'habit bleu lui donnait un air fort passable. Une demi-heure après, les deux amis partirent pour Lausanne. En passant devant Montreux, qui se trouvait à gauche sur la hauteur, Eugène demanda à y monter un instant. Le conducteur y consentit avec peine. Sur la terrasse, rien n'était changé. Le chèvrefeuille n'avait plus que quelques fleurs, mais les jasmins et les rosiers en étaient couverts. « Que de beaux rêves j'ai fait ici !» dit Milbert à son ami. Il prit une des dernières fleurs du chèvrefeuille et ils redescendirent. « Vais-je voir ma tante et mon cousin ?»« Ton cousin n'est pas à Lausanne. Je pense que nous y trouverons, Fanny. » Milbert fut silencieux jusqu'à l'arrivée. Il faisait nuit. Ils traversèrent les rues de Lausanne sans se parler. « Oh mon Dieu !» dit Milbert. « Que se passe-t-il dans la maison de mon oncle ? Vois-tu comme elle est éclairée ?»« C'est vrai. Mais j'entends les violons. On danse. » « Pourvu qu'on y soupe !»« Tiens, Duport, cela me fait mal d'entrer dans cette maison. » Félix avait sonné deux fois et le poussa dans la maison sans lui répondre. « Qu'annoncerai-je ? » demanda un domestique. « Monsieur Félix Duport, rien de ses amis. » Le domestique annonça. L'oncle Éloi vint à la rencontre des deux amis. Ce n'était plus le vieillard coquet avec sa perruque blonde. Il avait arboré les cheveux gris et un costume convenable à son âge. « Ah, te voilà !» dit-il à son neveu. « Justement, il manque un vis-à-vis. » Et il l'entraîna. « Mais mon oncle !»« Viens, viens. Tiens, on commence. »« Mais j'arrive d'Amérique. »« En place, en place !» En le poussant, le tirant, l'oncle Éloi conduisit son neveu auprès d'une femme assise. « Madame, voulez-vous danser avec mon neveu ?» Les violons commencèrent et on dansa. Milbert brouillait tout. Il ne comprenait rien à ce qui se passait. Il s'arrêtait tout court au milieu d'un pas et se mettait à danser comme s'il se fût réveillé en sursaut. La contredanse finie, son oncle le prit par le bras et, suivi de Félix Duport, ils passèrent dans un autre appartement richement décoré. « Voici ton logement, » dit l'oncle. « Ah, mon oncle, vous êtes trop bon. En es-tu content ?»« Je ne mérite pas. » « Si, fais bien. Maintenant, viens voir Fanny. » Eugène suivit son oncle, la tête basse, le cœur serré. « Elle est dans sa chambre à finir sa toilette. Va devant et demande-lui si nous pouvons entrer. »« Mais mon oncle !»« Tiens, voilà la porte. C'est la première. Tu frapperas la seconde. »« Mais fais ce que je te dis. » Il entre. « Ah ça !» dit l'oncle Éloi Duport. « Vous n'avez rien dit ?»« Non, parole d'honneur. » »« Il ne sait pas que c'est sa femme qu'il va trouver là ?»« Non. » »« Il va être un peu surpris. » »« Nous les marierons dans 8 jours, de l'autre côté du lac, où est le petit ?» Car tout le monde ici les croit mariés depuis 15 mois et l'appelle Madame Milbert. C'était le seul moyen d'arrêter tous ces bavardages de petite ville. Mais ils nous oublient. Nous ferons bien d'entrer. Ils trouvèrent Fanny et Eugène pleurant dans les bras l'un de l'autre. Eugène quitta sa maîtresse pour se jeter dans les bras de son oncle. « Oh, mon oncle, quelle trahison ! Et toi donc ? Du reste, c'est elle qui a tout fait ici. Elle est la maîtresse absolue. Elle m'a fait ôter ma perruque. Elle m'a fait vieux pour avoir un vrai oncle. Si tu savais comme elle m'a grondé de n'être pas arrivé à temps à l'hôtel de Lyon, quand tu es parti si mal à propos pour l'Amérique. Puis elle a tant pleuré. Tu vas entrer avec elle dans le salon et demain nous partirons pour le Valais. Ah ça, Félix, tu savais donc ? Tout, mais seulement depuis ton départ pour l'autre monde. Allons, allons, dit Éloi, on danse, il faut rentrer. Nous causerons de tout cela plus tard. Ainsi s'achève, pour ne pas être 13, d'Alphonse Karr.